à toutes les pièces de monnaie égarées qu'il trouva sur les meubles. Les tiroirs étaient fermés. Quand il eut achevé sa tournée, il s'accouda sur l'appui de la fenêtre. Au loin, dans le jardin, il aperçut Didier qui continuait solitairement sa promenade. La pierre se prit à réfléchir. « Peuh ! » fit-il enfin en enflant ses joues. « Je croyais le détester davantage. C'est un joli garçon. Vaunois paie mal et demande beaucoup. Hé hé ! Il faudra voir. En veux-tu ? » grommela maître Alain qui trinquait en rêve. La pierre laissa tomber sur le vieillard un long regard de mépris. « Voilà ce qu'on devient au service de Vaunois, » dit-il ensuite. « Jamais de tiroir ouvert. Quelques pièces d'or pour beaucoup de travail. C'est pitoyable de se damner ainsi au rabais. Il faudra voir. »